Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Benjamin Pont. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast est encore et toujours soutenu par la NEF, une coopérative bancaire éthique qui fait son travail depuis plus de 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Et en plus, elle est 100% transparente puisque c'est le seul établissement bancaire en France qui publie l'intégralité des prêts qu'elle réalise chaque année. Et donc, vous pouvez aller sur Internet, vous retrouverez la liste du nom du projet, le montant du prêt, une description pour comprendre où va votre argent et quel impact positif il a et quels impacts positifs avec DS il a même. La NEF, elle a aussi réalisé une cartographie et ça, c'est un bon moyen pour vous de voir dans toute la France les projets qui sont financés. Et c'est vraiment les 2030 glorieuses en avance. Et aujourd'hui, je suis très heureux de donner la parole à Benjamin Pont qui est dirigeant fondateur d'Habitat et Partage. C'est une société coopérative qui a été créée pour démocratiser l'habitat participatif. Ensemble, on va parler de comment réhabiter nos villes, de voir l'autre comme une richesse et de comment la coopération sera une boussole des 2030 glorieuses. Première question que je pose à tout le monde, Benjamin, c'est tu rencontres quelqu'un dans une soirée, dans un événement public, un inconnu qui va forcément te poser la question, et toi tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu lui réponds? Bonne question. C'est une question en effet qui est un peu embarrassante de temps en temps. Et en fonction de l'énergie dans laquelle je suis et en fonction du public aussi et de ma disponibilité, je vais adapter ma réponse. Donc je vais aller de je travaille dans l'immobilier, dans l'habitat, à je suis accompagnateur de projets d'habitat collectif, jusqu'à je suis dirigeant, fondateur d'une coopérative d'habitation qui développe un parc de logements en habitat participatif et coopératif pour susciter les questions, la réflexion, l'échange. Donc voilà, je vais vraiment m'adapter à mon public et à l'énergie dans laquelle je suis. Et en l'occurrence, pour la petite histoire, tu t'es très bien adapté à ton public puisque tu m'as contacté sur LinkedIn en me disant « Hey, moi, je suis promoteur citoyen, invite-moi dans le podcast 2030 Glorieuses, on est là à Lyon où tu as ton activité. » Et tout de suite, moi, je me suis dit « En fait, ok, Benjamin, il m'a eu parce qu'il a exactement compris le travail que j'essaye de faire un peu avec cette porte d'entrée métier du podcast 2030 Glorieuses dans lequel j'essaye de questionner plutôt que le titre, l'intitulé. Tu vois, je t'ai délibérément présenté comme fondateur, dirigeant d'Habitat et Partage qui en réalité ne dit pas grand-chose des objectifs de tes missions. Et toi, tout de suite, tu as dit promoteur citoyen. Et je trouvais que c'était le travail des 2030 Glorieuses avant l'heure. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu étais promoteur citoyen? Comment tu as réussi à dire ton métier par ses objectifs plutôt que par son cadre législatif ou économique? Ouais, c'est intéressant. C'est toute une histoire, hein, ce métier. Je pense que ça remonte à l'enfance où je rêvais de métier, mais qui n'existait pas forcément. Et je me disais, mais est-ce que mon métier va exister? Comment je vais développer un métier qui me fait rêver, mais pour l'instant, je ne le trouve pas sur les papiers ou dans les cases? Et plus j'avançais, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter, mais en tous les cas, plus j'avançais dans mon histoire, plus le métier que je voulais faire, je le trouvais pas dans les entreprises. Donc j'ai développé ma propre structure en développant un nouveau métier et que je trouvais que le sens en effet de promoteur citoyen était juste Parce que pour redonner des lettres de noblesse déjà au métier de la promotion, parce que la promotion est quand même très décriée, très dévalorisée, avec des étiquettes assez, assez réductrices. Et le métier de promoteur en lui est très beau. Il est pour construire de l'habitat, pour construire du logement, pour construire du bâtiment, à des fins d'être confortable dans son lieu de vie. Et puis citoyen, parce que l'envie vraiment de redonner de la place aux citoyens dans leur choix, dans leur mode d'habiter, et vraiment qu'ils soient acteurs de la façon dont ils vont habiter un territoire. Tu parlais de la ville, il y a aussi la campagne. L'objectif, c'est vraiment de réhabiter, de reconcevoir son mode de vie, son mode d'habitat, comment on vit avec ses voisins, et que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne. Les personnes qui nous écoutent depuis quelques temps déjà le savent, parce que de temps en temps je fais référence à mon passé dans le bâtiment pour payer mes études. J'ai travaillé comme électricien chauffagiste, et pour nous vraiment les promoteurs c'était les personnes qui se faisaient de la thune. Et puis ensuite avec ma compréhension écologique, je me suis rendu compte que non seulement c'était ceux qui se faisaient de la thune, mais qu'en plus c'était ceux qui bétonisaient un département en français tous les 10 ans. Et alors là, je me suis dit que voilà, entre Total et les promoteurs, je savais pas lequel était le pire. À quel moment, malgré cette lecture un peu naïve, simpliste que je te propose, on se dit, maintenant je vais redonner ces lettres de noblesse à ce métier qui a été dévoyé avec cette finalité de l'argent pour en fait le remettre au service des gens. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que toi t'allais arriver à résoudre cette équation qui semblait un peu impossible? En fait, l'histoire d'Habitat et Partage, elle est née déjà d'une expérience il y a plus de 20 ans dans un écolieu. J'ai vécu dans un écolieu en Nouvelle-Zélande où l'objectif, c'était de vivre en autosuffisance et d'être vraiment indépendant des éventuelles crises qui pouvaient émerger dans l'environnement, avec beaucoup d'intimité, de complicité, d'authenticité, de convivialité entre voisins. Et puis, il y a maintenant 15 ans, je suis rentré dans le milieu du bâtiment, de l'habitat, et je travaille comme conseiller en environnement dans le bâtiment. Et j'ai nourri beaucoup de joie, de rencontres, mais j'ai aussi nourri des frustrations. Et notamment dans ces frustrations, il y avait la frustration déjà de produire du logement, mais de façon pas forcément écologique. Même si on avait un label ou une certification, voilà, le bâtiment, on grattait un peu, c'était pas forcément très écologique. L'autre frustration, c'était que on produisait du logement masse sans se soucier de finalement qui allait vivre dedans et comment on allait vivre dedans. Et quand on demandait notamment aux promoteurs de voir s'ils voulaient habiter, s'ils vivraient là, il n'y avait pas question qu'ils habitent dans ces logements, les architectes non plus. La plupart, je trace des grands traits, mais c'est pas forcément des généralités. Et la troisième frustration, c'était aussi de nourrir un système, parce qu'on parle on peut décrier le modèle de la promotion, mais on est en fait dans un système qui est pervers, qui est pernicieux, et dans lequel les promoteurs se sont engouffrés, ont tiré parti. Et du coup, c'était la troisième frustration, c'était de pas nourrir ce système et trouver un modèle qui permette justement de remettre le citoyen et d'être sans but lucratif, dans le sens où l'argent de réaliser du bénéfice, mais l'argent qui est généré revient au projet, à des différents projets pour développer d'autres projets d'habitat participatif. Et il y a plus de 10 ans, j'ai fait le choix d'arrêter et de développer un modèle, donc celui d'Habitat et Partage, en me nourrissant déjà du mouvement de l'habitat participatif. Donc je suis allé à la rencontre de projets qui avaient réussi, de projets qui avaient échoué, de groupes qui avaient échoué en France. Et après, je suis allé dans d'autres pays aussi. Et j'ai vu que notamment dans des pays voisins comme la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, en fait, il y avait de très belles réussites et que c'était vraiment devenu une troisième voie de logement. Il y avait la propriété, la location, et l'habitat participatif était devenu vraiment une troisième voie de logement grâce à beaucoup de professionnalisation, à de la structuration, à un réseau de partenaires. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, parce que ça va permettre de répondre aux trois frustrations, de proposer des logements plus écologiques, parce que les citoyens seront au cœur et ils voudront des logements confortables, performants, de remettre que les habitants soient responsables de leur mode de vie et d'aller sur un système non lucratif, dans le sens où l'argent qui est généré, en effet, est reversé sur des nouveaux projets. Tu nous parles déjà des impacts positifs de ce mode de construction. On va y revenir, mais tu parles là depuis tout à l'heure de tous ces projets d'habitat participatif comme si c'était un peu évident, parce qu'en fait, ça existe depuis quelques années déjà en France. Tu le dis, c'est largement développé dans des pays parfois frontaliers, des fois assez voisins. En France, de ce que j'ai lu, il y a 1 millier de projets environ qui sont en cours de déploiement de projets d'habitat participatif. Nous, on a de la chance à Lyon. C'est un endroit qui est particulièrement dynamique à ce sujet, et à la fois, j'ai pas l'impression que ce soit très clair quand même. Peut-être pour pour les personnes qui nous écoutent, et encore je suis même pas sûr, est-ce que tu pourrais déjà répondre à la question, bah, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi un habitat participatif, même si bon, bah, dans le nom il y a quand même une idée qui se dessine assez simplement, et puis ensuite nous dire mais comment ça marche, est-ce qu'il y a un encadrement économique, un encadrement législatif, on a l'impression que voilà, faire sortir des immeubles de terre c'est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez cadré, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous faites pour vous déplacer dans cette jungle urbaine? Ouais, en effet, c'est une jungle, comme tu le dis, parce que la loi est récente. Il y a la loi Lurde 2014 qui a permis de légiférer sur l'habitat participatif, de le dénommer, donc de le rendre visible juridiquement. Mais après, les décrets ne sont tous parus, ne sont pas forcément adaptés au développement de ce modèle d'habitat. Donc, il a fallu bricoler, il faut encore bricoler et faire beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qu'est l'habitat participatif, en quoi ça consiste. Et simplement, l'habitat participatif, donc c'est un mode de vie dans lequel les citoyens sont responsables depuis le programme, donc ils définissent eux-mêmes le programme, puis la conception de leur logement, des espaces communs, dans un but de partager, de s'entraider, de partager des moments conviviaux, d'avoir de la solidarité entre voisins. Et du coup, concrètement, c'est un bâtiment où c'est des maisons dans lesquelles on va avoir des espaces communs, des services mutualisés. Donc, ça peut être un jardin collectif, ça peut être une salle commune, ça peut être une chambre d'amis, ça peut être une buanderie, ça peut être un atelier bricolage. Et c'est les personnes qui vont vivre dans ce lieu de vie qui vont définir, en effet, ce qu'ils veulent mutualiser, qu'est-ce qui... En image, d'habitude, quand tu vois un nouveau bâtiment qui est en train de sortir de terre, ou même pas encore, parfois tu as juste la grande affiche avec un préfabriqué devant, normalement les gens ils rentrent presque dans le préfabriqué, ils voient la maquette du bâtiment qui va être construit, les plans sont déterminés, tu as des lots de différentes tailles, paf, tel prix, paf, tu achètes en avance, souvent maintenant ça se fait comme ça, basta, tu achètes quelque chose de final, défini par d'autres personnes. Toi tu dis que même avant que le bâtiment sorte de terre, il y a des réunions avec des citoyens qui décident jusque à la couleur, j'imagine, dans les limites de la ville, des fenêtres, des murs, et puis la place du jardin, et puis l'organisation, et le nombre de places de parking et de vélos. En fait, vraiment, la décision citoyenne, elle se fait à tous les niveaux, à tous les étages, pour le dire un peu simplement. Ouais, c'est plus ou moins exact, parce que forcément, quand on rentre dans la réglementation de l'urbanisme, de l'habitat, il y a beaucoup de réglementations, de contraintes urbanistiques. Et donc, c'est compliqué de s'y retrouver pour des citoyens qui n'ont pas accès à ces formations, à ces compétences. Donc, voilà, moi, j'ai prêché ma parole, mais les professionnels sont nécessaires pour pouvoir démocratiser ce type d'habitat et justement pour encadrer là où les habitants, les citoyens vont avoir une marge de manœuvre, un cadre pour participer, pour échanger et décider, et là où ils n'auront pas le choix. En fait, il y a des choix qu'ils ne pourront pas faire. Tu parlais du local vélo. Là, c'est très réglementaire. Donc, le local vélo, il faut tant de mètres carrés et basta. Donc, il n'y a pas le choix sur tout. Par contre, l'idée, justement, nous, professionnels, c'est de leur cadrer la méthode de conception pour qu'ils puissent savoir où ils vont avoir une place pour décider, et là où au contraire, eh ben, les décisions vont aller d'elles-mêmes parce qu'on répond à des réglementations, à des contraintes aussi de construction. Hein. Souvent, on parle de faire plomber les WC, les toilettes pour les descentes de gaine. Donc ça, c'est des contraintes techniques, de structure. Il y a des contraintes de structure. Donc les habitants doivent s'adapter à ça. Mais ce qui est intéressant dans l'habitat participatif, c'est que les professionnels qui travaillent avec ces citoyens vont être à l'écoute, vont être pédagogues et vont donner des clés de compréhension et vont expliquer pourquoi ces décisions sont prises Ouais, donc en fait, ton travail, c'est de faire de la pédagogie, c'est d'expliquer, c'est d'organiser des réunions, de collecter de l'information, c'est d'organiser la conversation presque en réalité. Complètement. Après, tu parles de réunions, on est plutôt sur des formats ateliers. Et beaucoup d'éducation populaire. On est nourri de l'éducation populaire où les habitants sont vraiment acteurs. Donc on leur donne en effet un cadre de participation. On travaille aussi beaucoup sur le facteur humain pour que les habitants, les citoyens aussi, savent animer une réunion entre eux, savent prendre des décisions. Donc on parle de gouvernance partagée, on va leur donner des outils pour prendre des décisions. On va leur donner des outils aussi pour gérer des conflits. Et ils vont s'approprier tout ça pour pouvoir mener eux-mêmes des réunions, des ateliers, et avec de l'éducation populaire, des outils d'intelligence collective, on va permettre d'avancer, de faire des choix. J'aurais aimé qu'on parle de démontage économique, parce que j'imagine que là aussi il y a pas mal de choses à dire, et à la fois le temps le temps file et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus pertinent que tu nous parles des impacts écologiques, que tu les redéveloppes un tout petit peu et peut-être même à travers des exemples concrets, des réussites, que tu nous voilà, fasses le compte-rendu de certaines de tes fiertés, de petites histoires incarnées. Tu nous disais, t'as plein d'anecdotes, moi j'aimerais bien les entendre pour que dans la tête des gens qui nous écoutent, il y ait tout de suite des images qui sortent, des émotions qui affleurent. Est-ce qu'on peut avoir ces deux temps, s'il te plaît, les impacts là, très voilà, chiffrés, mesurer de ces projets versus des grands projets classiques et puis ensuite ben, des histoires, des noms des gens, des places, des lieux. Ouais, j'ai bien, mais j'aimerais quand même aller un peu sur le volet économique et on va dire aussi politique parce que l'habitat participatif c'est aussi un choix politique dans le sens où on va faire le choix de vivre ensemble et on va essayer d'aller vers un modèle économique qui n'est pas perverti par un système et dans lequel justement et les territoires et notamment des élus sont très intéressés par ces modèles. On en parlera en 2030, ouais, heureusement. Okay. Comme ça, tu vois, on verra à quel point la métropole, elle fait partie de ces sujets-là, l'argent qui a été remis à sa juste place, tout ça étant presque déjà normalisé, j'allais dire à Lyon, on imaginera à quoi ça ressemble dans toute la France. Donc reviens s'il te plaît sur cette idée, bah, écologiquement, pourquoi c'est pertinent et socialement, dans le lien entre les gens, pourquoi c'est pertinent aussi. En effet, il faut juste mettre dans la tête d'un habitant donc qui va choisir vraiment son lieu de vie et qui va définir son mode d'habitat. Donc, il va pouvoir en effet visualiser dans son logement là où il va passer du temps, là où il va occuper l'espace, le confort, la lumière naturelle qu'il voudra, l'isolation, donc l'inertie du bâtiment et tout ça amène du confort. En fait, le citoyen, il est intéressé par son confort. Hein. Après, c'est des besoins très naturels et très personnels, on va dire, mais qui nous rassemblent. Et donc, voilà, on va travailler du coup sur le confort intérieur d'été, d'hiver, sur l'acoustique du bâtiment pour justement limiter les nuisances. Et voilà. Et puis, on va aussi être très attentif aux matériaux. Donc, pour te donner un exemple, moi, je suis aussi dans un projet d'habitat participatif qui est en cours de construction, où là, on a, grâce à un partenaire, on a réussi à récupérer des planchers d'un autre bâtiment. Et donc, le groupe d'habitants va poncer lui-même son plancher, donc du plancher chêne en plus, un beau plancher qu'on va reponcer, vernir, et du coup on va avoir des beaux appartements, des beaux planchers, grâce justement à du réemploi. Voilà, donc c'est des actes après qui se font, qui peuvent être des fois marginaux, parce qu'en plus on vit des crises, en ce moment on a plusieurs crises, notamment dans l'immobilier, bon la crise environnementale j'en parle pas, mais dans l'immobilier c'est très difficile de construire un bâtiment à un coût modéré. Et en effet, malheureusement encore, pour faire des choix écologiques, ça coûte cher. Donc, on est obligé de faire des concessions. Et par exemple, là, on avait des façades bois et on a dû concéder d'avoir une façade béton. Voilà. Donc, c'est des choix qui ne vont pas dans le sens du groupe, que le groupe n'avait pas fait au début. Mais pour pouvoir sortir au budget et pouvoir proposer du logement qui reste abordable, eh ben, on est obligé de faire des choix, voilà, comme celui-là. Et j'imagine que dans la place du vivant aussi, autour du bâtiment, presque parmi... Parfois, dans le bâtiment, il y a aussi pas mal de discussions qui ont lieu de manière à ce qu'on ne soit pas avec bah, du béton partout parce que c'est plus simple et c'est moins supposément sale. Et puis, des espaces aussi qui vont être beaucoup plus partagés pour donner plus de place au commun, plus de place aux rencontres, plus de place aux participatifs sur des tâches du quotidien, que ce soit le compost, le potager peut-être, des choses comme ça. Oui, il y a plusieurs critères. En effet, il y a déjà, en effet, les logements vont être souvent plus petits parce que grâce à l'usage des communs, eh ben, on a moins besoin de place à l'intérieur de soi. Donc, par exemple, on n'aura pas de chambre d'amis parce qu'on sait qu'on a l'usage d'une chambre d'amis à côté. On n'a pas de buanderie parce qu'on a une buanderie à côté. On n'a pas forcément une grande pièce de vie parce qu'il y a la salle commune qu'on peut occuper quand on invite des amis, la famille. Donc, on va avoir un espace intime, privatif, entre guillemets, plus réduit. Donc, voilà, on va occuper moins d'espace. Donc, ça va générer déjà une empreinte écologique plus faible. Après, forcément, on va être connecté au vivant. Après, en fonction des groupes, on l'est plus ou moins. Mais on va être très attentif à la biodiversité. On favorise au maximum la réhabilitation plutôt que la construction neuve, justement pour limiter l'empreinte écologique quand on peut. Et en effet, au niveau de... Alors, on n'est pas encore en train de prendre des décisions avec le vivant, hein, avec la faune, avec la flore, mais en tous les cas, on est très attentif. On a souvent des paysagistes ou des environnementalistes dans des projets. Donc, il y a un côté respect du vivant et protection de la biodiversité qui est très important dans les projets. Ouais. Et si on devait terminer avec cette question, Benjamin, s'il te plaît, de fierté, de cas très concrets dans les expériences menées en cours ou déjà réalisées, est-ce que tu as envie de nous partager quelques pépites, quelques anecdotes qui te viennent là, sur pourquoi tu es heureux d'être promoteur citoyen ? Je crois que je suis heureux, alors pour différentes raisons. Hein. Moi, je me nourris de la relation humaine. Donc, ce que je viens chercher, moi, dans l'habitat participatif, c'est avant tout la relation humaine. C'est l'échange, le partage, la convivialité. J'adore échanger et voir un public divers aussi. Une des critiques qui peut se faire dans l'habitat participatif, c'est que ça peut être de l'entre-soi, ça peut être réservé à des bobos. Et dans l'objectif d'Habitat et Partage, c'est de démocratiser ce mode d'habitat pour le rendre accessible à tous et d'accepter la diversité, l'altérité. Et du coup, moi, ce qui me rend heureux, c'est ça, de pouvoir, d'une certaine manière, voyager au travers des rencontres que je fais avec mes voisins dans mon habitat. Et voilà, pour donner un exemple, dans mon groupe, il y a 5 cultures différentes qui sont représentées. Voilà, on accueille toutes les générations. On accueille aussi une personne à mobilité très réduite, fortement handicapée. On a une diversité de publics qui permet justement de voyager au sein de son propre habitat, rien qu'en échangeant, en rencontrant les personnes. Donc moi, je me nourris vraiment de ça. Et après, ce qui me rend heureux, c'est aussi de contribuer. Parce que, voilà, comme tu l'as mentionné, moi, je suis le fondateur de cette aventure. Et il y a vraiment... je suis connecté à une mission de vie, on va dire. Et il y a l'envie de contribuer. Et tu parlais aussi de transition. Moi, je parle aussi de changement de civilisation, qu'on va peut-être vers une civilisation de l'anthropocène au symbiocène, dans lequel on est connecté à soi, on est connecté aux autres, on est connecté au vivant. Et moi, c'est ce qui me réjouit dans l'habitat participatif et l'habitat coopératif, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une société, d'une civilisation qui est respectueuse, qui partage des valeurs autour de l'entraide, de la solidarité, de la convivialité et qui a beaucoup moins d'intérêt personnel en jeu. On passe du chacun chez soi au tous pour un presque, hein, j'ai l'impression, et un pour tous. On va le raconter ça, comment ça s'est complètement normalisé en 2030 Glorieuse, avec quels impacts, quels mécanismes. On va faire ça dans quelques minutes à peine. À chaque fois, on s'offre une respiration quand même entre ces deux parties clés de l'interview 2030 Glorieuse. Et toi, Benjamin, t'es venu avec une lecture, tu nous la proposes comme un cadeau parce qu'elle porte, selon toi, les germes de valeurs que t'as envie de voir se déployer en 2030 Glorieuse. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Alors j'ai amené un extrait de La Consolation de l'Ange, c'est un roman de Frédéric Lenoir, un joli récit. Touché par les paroles de Blanche, il les médite un long moment, puis déclare d'une voix douce, empreinte de gravité. « Je suis vraiment d'accord avec vous. On a tous en nous cette aspiration à l'amour, au partage, à la justice, et c'est ce qui me semble meilleur. Mais on a aussi l'inverse. On est égoïste, violent. On aime posséder et dominer les autres. Moi aussi je ressens ces contradictions. Comment faire pour que l'amour et la justice l'emportent sur la violence et la soif de domination ? Il y a un beau conte amérindien qui répond à ta question. Veux-tu que je te le raconte ? Bien sûr. C'est l'histoire d'un vieil homme, très âgé, qui dit à son petit-fils. Mon enfant, il y a deux loups en toi. Un loup blanc qui fait le bien, qui aide les autres, qui est juste. Et un loup noir qui fait le mal, qui est égoïste et méchant. Les deux mènent un combat à mort au sein de ton cœur. Sais-tu lequel va gagner ? Non, grand-père, répond l'enfant. Et le vieil homme lui dit « Celui que tu nourris. » Waouh, j'adore l'image. Quand tu commets des actes négatifs, injustes, égoïstes, tu nourris le loup noir et il prend plus de force. À l'inverse, quand tu commets des actions positives, justes, généreuses, tu renforces le loup blanc. Il y a des forces de bonté enfouies dans le cœur de tout être humain. Il s'agit de les libérer et de les cultiver. Chacun aspire à la justice, il s'agit de la pratiquer. Tu joues d'un instrument de musique ? Oui, du piano, un peu. Eh bien, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais progresser que si tu jouais régulièrement, non ? C'est sûr, tous les jours au moins une demi-heure, idéalement une heure. Eh bien, c'est pareil pour tout dans la vie. Tu deviens un bon musicien en jouant le plus souvent possible. Tu deviens un bon maçon en construisant des maisons. Tu deviens un grand sportif en t'entraînant. Et tu deviens un bon être humain en posant le plus souvent possible des actes de bonté, de justice, de partage, de pardon, de courage, de confiance, de bienveillance, etc. Merci Benjamin pour la lecture. Ça y est, je ne sais pas si tu l'as senti pendant que tu lisais ce livre de Frédéric Lenoir avec le passage là, mais on est en 2030 glorieuse. Donc on est dans une période où on a réussi. On a réussi quoi ? On va le définir ensemble. Mais donc on va parler au présent de tout ce qu'on a décrété sur ces 2030 glorieuses qui sont alignées avec tes valeurs et puis tes pratiques de l'époque. Tu te souviens en 2024, toi en tant que promoteur citoyen, tu travaillais à déployer la coopération, la frugalité immobilière, si on peut le dire comme ça. Donc on va raconter à quoi ça ressemble. On fait bien l'exercice de parler au présent. On fait bien l'exercice de donner le maximum d'images, de couleurs, de textures, de nuances. On fait sentir presque aux personnes qui nous écoute ces 2030 glorieuses. Ma première question pour toi, c'est toi qui, à l'époque, tu me disais faire partie d'un projet d'habitat participatif. J'imagine que ça y est, maintenant, il est sorti de terre, tu y vis. Et tu t'imagines chez toi, en train de regarder par la fenêtre. Qu'est-ce que tu y vois depuis ton habitat partagé alors ? Alors Julien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que j'ai déménagé depuis. Et je vis dans un hameau pas très loin de Lyon, un hameau coopératif. Et en fait, donc on a constitué une nouvelle société coopérative et on a ensemble, on était une centaine de citoyens, avoir acheté ce hameau. Et aujourd'hui, moi, je vis vraiment en harmonie avec les habitants et avec le milieu qui nous entoure. On a réhabilité ce hameau. On a beaucoup travaillé à la réhabilitation de ce hameau pour le rendre agréable, confortable. On a développé de l'activité à l'intérieur du hameau. Et aussi, on a acquis avec des partenaires du mouvement coopératif. On a acquis des parcelles de terrain pour faire de l'agroécologie. On a acquis aussi des parcelles de forêt aussi pour faire de l'éducation en forêt, de la pédagogie, de la civiculture. Voilà, pour vraiment créer les métiers qu'on avait envie de développer. Mais en même temps, on est resté en lien avec notamment mon ancien habitat à Villeurbanne, où là, la coopérative Habitat et Partage a développé un quartier coopératif dans lequel on fait de nombreux échanges. Ils ont développé un supermarché coopératif, donc c'est nous qui les approvisionnons en nourriture, par exemple. Eux développent de l'énergie renouvelable sur leur quartier. Ils sont eux-mêmes responsables de la vie du quartier, des activités qu'ils développent. Et il y a beaucoup d'échanges en fait, entre ces territoires urbains et ruraux, et on a aussi des partenariats avec d'autres territoires, voilà, en Bretagne, en Alsace, et on fait des échanges culturels aussi avec ces territoires et d'autres pays. Et aujourd'hui, ouais, je suis très content, et puis mes enfants du coup viennent beaucoup me voir, ils s'inspirent beaucoup de ces modèles-là pour développer aussi leur propre activité. Donc il y a une grande richesse, il y a beaucoup d'amour, il y a une grande force aussi de ces lieux de vie. On est vraiment voilà, et on passe les crises aussi avec résilience et robustesse. On est très robuste, on ne se sent pas fléchir. C'est fou, hein, parce qu'il y a une dizaine d'années en arrière, on parlait de projets d'habitat participatif, en général en se limitant à aller à un immeuble, pourquoi pas, un lot d'immeubles. Là maintenant, toi tu parles de quartier participatif, tu parles de coopératives qui se sont fondées pour reprendre, réhabiliter des hameaux, jusqu'à des presque villages gaulois qui se sont remontés comme ça en coopérative. Donc on a changé d'échelle. Oui, complètement, on a changé d'échelle. En fait, on a compris qu'on avait, un pouvoir. On avait un pouvoir entre nos mains, un pouvoir de penser, un pouvoir d'action, un pouvoir de financer aussi. Parce qu'il faut comprendre qu'on a compris aussi trop récemment que notre argent, notre épargne, avait un poids important dans la constitution de la société dans laquelle on voulait vivre. Mais j'allais te lancer là-dessus, hein. Justement. Tu te souviens, à l'époque, on disait que les Français en avaient 5 000 milliards d'euros d'épargne. Donc aujourd'hui, on a décidé que plutôt que, voilà, de faire dormir cette épargne sur nos comptes en banque ou soi-disant l'utiliser pour relancer la machine économique, on se mettait en lien. Et là, j'aimerais bien que tu me parles des montages économiques avec sans doute les banques quand même, avec pourquoi pas peut-être les métropoles, les collectivités, les mairies, pour faire des montages économiques qui nous permettent d'acquérir du foncier, de créer ces coopératives immobilières. Comment ça marche? Bien sûr, en fait, il y a eu vraiment une prise de conscience au niveau financier, au niveau politique aussi, de voir que de redonner de la place aux citoyens, ça permettait déjà de placer de l'épargne dans des projets qui font sens pour une nouvelle société, et aussi de responsabiliser les citoyens dans l'acte d'habiter. Donc, il y a une meilleure pérennité des lieux de vie, il y a beaucoup moins de dégradation, il y a beaucoup plus de respect entre habitants, entre voisins. Il y a des charges qui ont énormément diminué. Aujourd'hui, on a 50% de charges en moins dans les lieux de vie qu'auparavant, parce qu'on, du coup, on fait des économies, on travaille à l'entretien, à la gestion. Et les politiques ont compris tout l'intérêt de s'engager dans ces modes de vie, donc ils réservent carrément des fonciers, des bouts de terrain pour justement développer ces projets. Et les financiers aussi ont compris que c'était des projets à long terme. Donc, ils ont facilité l'accès à des prêts longue durée, à des taux très intéressants, qui présentent peu de risques. Puis, tu te souviens peut-être qu'il y a une dizaine d'années en arrière, à peine, hein, investir, acquérir un bien immobilier, c'était quand même en général un endettement sur 20-30 ans avec des sommes folles. Aujourd'hui, on a permis aussi de beaucoup baisser le montant de l'achat en arrêtant d'acheter le foncier. Et ça, c'est aussi quelque chose qui dit un peu de notre relation à la terre, de notre relation à la propriété. C'est des baux emphytéotiques, c'est peut-être 50 ans, 90 ans d'accès à un espace. Et puis ensuite, peut-être même avec des projets un peu cradle to cradle, tu sais, des bâtiments qu'on pourrait démonter sans laisser de traces, rendre ensuite l'espace au vivant. Comment ça marche? Ça raconte un peu comment on a fait pour tirer les prix vers le bas, ou j'allais dire en fait même les remettre à leur juste prix. Ouais, il y a aussi, en effet, il y a beaucoup de choses dans ce que tu partages sur lequel j'ai envie de rebondir, mais en tous les cas, en effet, il y a aussi une prise de conscience sur l'accès à la propriété. En fait, il y a eu tout un récit dans les années 70, 80, 90 sur l'accès à la propriété individuelle, c'est un facteur de réussite, c'est le bonheur assuré. Et en fait, les habitants, les citoyens se sont rendus compte que finalement, ils avaient beau être propriétaires individuellement de leurs biens, ils n'étaient pas forcément heureux. Parce qu'on est peut-être heureux sur le moment d'acquérir, mais une fois qu'on a acquis, en fait, on a un peu le couteau sous la gorge parce qu'on a nos emprunts. On a beaucoup de soucis parce qu'il faut gérer son bien tout seul. Il y a même une étude, c'est Isabelle Filioza qui le parle dans un livre sur la joie de vivre, une étude qui montre que les propriétaires sont moins heureux que les locataires parce qu'ils ont plus de soucis à gérer leurs biens et ils ont moins de temps à passer avec leurs proches et avec des gens pour partager. Donc, sans parler du moment où on se retrouve coincé quelques années après parce qu'en fait on a trop de place ou plus le bon nombre de pièces et puis on essaye de vendre mais le marché de l'immobilier est en changeant, parfois des années et des années pour arriver à céder un bien, un prix qui n'est pas le même, on est déçu, les taux qui ont changé, c'était vraiment une galère sans nom. C'était très compliqué, donc il y a vraiment cette prise de conscience et ce passage au fait que collectivement, on est plus fort, on est plus résilient, on est plus actif dans la conception et la construction de nouveaux modes de vie. Et du coup, aujourd'hui, monter une société coopérative, ça ne fait plus peur et c'est devenu quelque chose d'évident pour acheter un bien ensemble, à plusieurs, que ce soit un petit bien. Il y a des projets de trois habitats, mais maintenant, voilà, on trouve notamment à Villeurbanne des projets de 100 logements, donc c'est avec de l'activité. Donc, c'est devenu vraiment quelque chose qui s'est démocratisé, qui est devenu accessible à tous. Notamment parce que on parle de plus en plus de projets qui sont de la rénovation plutôt que du neuf, avec des coûts qui sont aussi, c'est vrai, parce que beaucoup de main d'œuvre, parce que beaucoup de débrouilles, parce que beaucoup de réutilisation, en général un peu plus contenu. Je me souviens plus de la proportion, peut-être que tu vas me la repréciser, entre la rénovation et le neuf en 2030 glorieuse, mais à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça dit aussi, voilà, de notre envie d'avoir toujours le dernier truc à la mode. On a réussi à céder un peu à cette mode et l'envie de la revalorisation, de la débrouille, de la créativité, de l'entraide. Ça on le voit beaucoup plus présent dans ces projets de rénovation. Hein. On voit beaucoup plus présent et puis c'est vrai qu'on a dans les projets de rénovation. Alors, ça dépend de l'époque de construction des bâtiments, mais on a souvent plus de place, plus de volume habitable Alors que dans des projets neufs, récents, on a des hauteurs sous plafond basses, des pièces plus petites et qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Donc, il y a une forte volonté d'aller vers la réhabilitation, en effet. À Villeurbanne, par exemple, aujourd'hui, les projets de rénovation, ils se font avec Mineca, qui est un lieu où on peut avoir accès à tout un tas de matériaux qui ont été soit réutilisés, reconditionnés. Et donc, ça aussi, ça permet d'avoir des montants différents. Je parle des montants de fenêtres, des encadrements, des pots de peinture parfois un peu aléatoires, mais en même temps, ça crée un côté un peu bariolé qui en fait assez sympa. Ouais, en effet, il y a toute une économie circulaire qui s'est mise en place autour du bâtiment, autour de l'immobilier, pour permettre en effet d'acheter, de racheter des matériaux, de racheter des chutes et qui permettent en effet de trouver des prix modérés dans l'habitat. On parlait de coopératives tout à l'heure. Aujourd'hui, on a réussi à laisser rentrer le vivant dans la prise de décision de tous ces projets de rénovation ou de neuf parfois qui arrivent encore, avec notamment des ONG qui représentent le vivant dans tous vos ateliers. Comment ça marche? Comment on arrive à défendre le vivant, à l'intégrer encore plus dans tous ces projets d'habitat participatif? Comment on a réussi à donner une voix à la faune, à la flore, pour qu'elle soit partie prenante, partie intégrante de ces projets? Ouais, aujourd'hui, ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est qu'en effet, si on a un site avec des arbres, qu'on a une faune, on va déjà étudier le vivant qui est sur place. Et avant de construire quoi que ce soit. Et après, on va prendre en compte vraiment les espèces. Donc, on va essayer d'écouter, on va observer et on va construire, s'adapter à l'écosystème qui est là et vraiment faire preuve d'humilité, parce que notamment, on parle de certains arbres qui sont centenaires. Voilà, on voit la robustesse de ces êtres et voilà, de s'adapter, d'être accompagné, d'être à leur côté. C'est beaucoup plus agréable. En plus, il apporte tellement des îlots de fraîcheur, de la beauté, des odeurs. Ouais, tu le dis très bien. Hein. Voilà, on parle dans notre hameau, on a un arbre à palabre. On a remis au centre du hameau un arbre qui permet vraiment de créer un lieu dans lequel on a envie de se réunir, qui invite aux discussions, au partage, aux échanges et aux prises de décision. Au début, dans les projets d'habitat partagé comme ça, quand les citoyens, les coopérateurs qui ont vu arriver ces associations, elles se sont dit « Oh non, ça va être encore un truc qui va alourdir le processus, ça va nous limiter. » Et en réalité, au contraire, comme tu dis, ça a permis de mener des alliances parce que, comme tu dis, rafraîchir certaines zones de vie, être capable de mieux filtrer les pluies de plus en plus abondantes, etc., etc. Mais surtout, et tu l'as aussi dit, dans la poésie, dans la contemplation du lieu, dans le lien aux saisons. Aujourd'hui, en fait, parce qu'on a mené ces alliances, on est content de voir les floraisons, on est content de voir les espèces revenir, on est content de s'asseoir à côté de cet arbre qu'on a finalement réussi à protéger. Et ça, de cette alliance et de la capacité à voir la beauté partout, ça a tout changé, en fait. Complètement. Et tu parlais en introduction de signaux faibles d'une nouvelle civilisation. Je crois que nous, on est vraiment entré dans cette nouvelle civilisation pleinement. Et il y a une certaine spiritualité, une écoute du vivant, de soi-même. On a une forte capacité à s'écouter, à écouter l'autre, à échanger et du coup à prendre des décisions avec le respect de chacun. Et justement, toi, tu parles des décisions. Est-ce que tu avais prédit, est-ce que tu avais senti à quel point tous ces projets d'habitat participatif, d'habitat partagé, ils allaient donner le goût de la démocratie aux gens? Parce qu'en fait, il y a eu une vraie envolée. Après, tous ces gens qui étaient habitués à donner leurs décisions, à faire en sorte que leur avis soit appliqué directement sur le territoire, ça leur a donné envie de rejoindre les conseils de quartier, de se mettre sur des listes électorales. Et puis, il y a eu une sorte de flambée citoyenne au niveau démocratique à tous les échelons. Tu aurais pensé que c'était un peu grâce à tout ce mouvement auquel tu avais contribué il y a 10 ans en arrière cette rénovation démocratique, ce nouveau feu démocratique? Ouais, c'est passionnant. Je l'ai vu apparaître en effet dès les années 2020, parce que dans notre posture d'accompagnateur, moi je suis très sensible à la communication non violente, à la gouvernance partagée, à l'intelligence collective, et donc on essayait d'imprégner nos collectifs de toutes ces postures et de ces outils, et on s'est vu après les habitants s'imprégner et s'emparer de ces outils, et de même nous dire Ah, mais je peux plus m'en passer. Je peux plus faire de réunion sans faire un tour de météo en ouverture, un tour de météo en clôture. Et du coup, j'apporte ça dans mon entreprise, j'apporte ça dans mon association. Et ça a rendu les réunions, les ateliers beaucoup plus agréables, conviviales, avec beaucoup plus d'écoute, de partage, d'entraide. Et en effet, aujourd'hui, en 2022 déjà, on avait mis en place tout un, nous, un parcours de formation au sein de notre coopérative Habiter et Partage, avec cinq formations sur justement comment monter en compétences sur la communication non violente, sur la gouvernance partagée, sur l'intelligence collective, sur la gestion des conflits aussi, très important, d'accueillir les conflits et non pas de les éviter. Et tout ça, les habitants nous en redemandaient toujours plus. Et aujourd'hui, on a les habitants se donnent eux-mêmes des formations ou s'accompagnent. Il y a des tutorats qui sont mis en place. Et en effet, c'est devenu normal, évident. Et c'est l'ancien monde qui nous paraît désuète, complètement désuète aujourd'hui. Donc ces projets d'habitat partagé ont réussi à redonner un nouveau souffle à la vie politique, à la vie démocratique, mais aussi à normaliser encore plus la coopérative comme maillon essentiel de la vie économique. Il y a une dizaine d'années en arrière, c'était à peu près 10% du volume de l'économie française qui allait vers ce qu'on appelait l'économie sociale et solidaire, notamment beaucoup de coopératives, mais pas que. Et aujourd'hui, quand on voit des projets immobiliers à plusieurs dizaines de millions qui se monte et que c'est tout ça à monter en coopérative et que l'argent retourne pour des nouveaux projets, on se dit mais en fait on a été bête de pas faire en sorte que plus de projets économiques, plus d'entreprises, plus d'associations pour participer à réindustrialiser la France soient pas faits avec ce modèle. Et donc aujourd'hui pareil, c'est une envolée du coopératif hein, grâce aussi à cette montée en échelle que vous avez permis. Ouais, complètement. Alors on est de nombreux acteurs à l'avoir permis hein, mais en effet, et je crois qu'il y a un modèle qui est très intéressant, c'est le modèle de société coopérative d'intérêt collectif qui intègre plusieurs catégories d'associés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre du coup les différentes parties prenantes d'un projet autour de la table. Et donc nous, à l'époque, on avait 6 catégories d'associés. Aujourd'hui, on en a 10. On a intégré le vivant. On a intégré les enfants dans les catégories d'associés. Donc on a un sociétariat qui est composé d'enfants qui vont prendre des décisions sur comment ils veulent vivre la ville de demain. Et on a aussi un sociétariat autour du vivant pour prendre en compte justement leurs besoins, leurs attentes et d'être respectueux de toutes ces parties prenantes. Mais les collectivités ont bien compris l'enjeu et sont rentrées aussi au sociétariat, les financeurs, donc tous les acteurs politiques, publics et citoyens sont... Si bien que maintenant, tu sais, les quelques entreprises qui sont encore au format d'actionnariat, en fait, elles ont même honte maintenant d'annoncer leurs bénéfices éventuels et puis tous les actionnaires de faire ces grands raouts comme on les voyait il y a quelques années où on allait s'applaudir des bénéfices records et du partage de la richesse. Aujourd'hui, ils ont honte d'aller à ces événements. Ils ont honte de dire qu'ils arrivent à travers leurs actions à générer un peu de bénéfices. Donc la honte, elle a changé de camp et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Toi, Benjamin, tu fais quoi en 2030? Tu as commencé à dire un peu que tu avais changé de lieu de vie. Est-ce que tu as une activité économique encore qui prend l'essentiel de ton temps en 2030? Ouais, je suis toujours très impliqué dans Habitat et Partage. Habitat et Partage, après un tournant en 2024, on a lancé un essaimage à l'échelle nationale de ce modèle parce qu'on est les premiers en France à avoir développé la coopérative d'habitation. Et du coup, qui était très regardé par des acteurs publics, des acteurs citoyens, des acteurs professionnels. Et on a lancé un grand groupe de réflexion pour développer ce modèle sur d'autres territoires. Et aujourd'hui, je suis toujours très impliqué justement dans le soutien. Donc, je me définirais peut-être comme un passeur. Mon nom, c'est Pont. Et en effet, il y a de ça dans mon rôle aujourd'hui. Je suis un passeur, je suis une passerelle entre différents territoires. Je suis en soutien de construction de coopératives. J'adore aussi accompagner des collectifs. Donc, je reste aussi dans mon lieu de vie. On a un espace de formation, de réception. Donc, on accueille des groupes et on les accompagne aussi sur des modules de formation, d'accompagnement pour mettre en place leurs outils. Donc je suis toujours très impliqué dans... Finalement, tu as refusé le poste hein, de ministère de l'habitat partagé. C'était quand, en 2027? Tu as préféré créer un grand wiki de l'habitat partagé, une foire aux questions. Tu as des MOOC aussi où tu racontes comment les grands obstacles, les grands raccourcis pour lancer son modèle d'habitat partagé. C'est devenu quelque chose de très horizontal en réalité. Ouais, c'est c'est devenu très horizontal, mais hein, tu vois, en 2027, j'avais vu déjà que les chiffres commençaient à changer. On était à 2027, je crois que là, ça y est, les propriétés individuelles commençaient à... On était pratiquement à 99% de propriétés individuelles en France en 2024. Et en 2027, ça y est, on était autour de 95, maintenant 85, je crois. Donc, il y a de plus en plus de propriétés collectives. Donc, on sent que ça y est, le mouvement, il est parti. Donc, en effet, et je suis persuadé... Voilà, on est sorti du modèle où il y a un politique qui va décider et on attend du politique qu'il va se passer des choses. Et en fait, non, les citoyens sont acteurs, sont devenus acteurs et ont pris leur part de responsabilité et on est dedans. Et donc, moi, je suis en soutien, je suis facilitateur de cet SMH. Où est-ce qu'on signe ? De cette évolution. Où est-ce qu'on signe ? Parce que moi, cette vision des 2030 glorieuses, elle me va bien et je pense qu'elle allait bien aussi aux personnes qui nous ont écoutés. Et du coup, Benjamin, je te pose avec beaucoup, beaucoup de curiosité et d'intérêt la question qui vient en général clôturer notre échange, qui est de dire, bon, bah là, tu vois, on a dessiné des 2030 glorieuses coopératives avec de nouvelles alliances pour le vivant où on réhabite différemment le territoire en conscience, en confiance même. Par quoi on continue ? Qu'est-ce qu'on fait en 2024 pour accélérer ça ? En 2024 ? En 2024, je crois qu'il y a, enfin, il faut toujours rester humble. Je crois que le temps est notre allié. Donc, il faut rester patient, persévérant et continuer à essaimer, à planter des graines, à les arroser. Et voilà, et se donner du temps, en fait, parce qu'on voit bien que la précipitation nous mène à des murs. Donc voilà, de prendre le temps de développer intelligemment, de former, de s'approprier des outils et de s'écouter. Parce que je crois que la base, en fait, elle est là. Elle est avant tout d'avoir cette conscience que dans notre corps, on est connecté aux autres, on est connecté au vivant. Et que si on arrive à se connecter à soi, eh ben on arrive à prendre le temps et à réfléchir, à partager. Donc voilà, moi, je suis un grand rêveur, hein. Je crois beaucoup à l'amour de soi, à l'amour des autres, à l'amour du vivant, et ça passe avant tout par l'écoute. Et si jamais il y a des gens qui se disent, mais en fait, j'ai envie d'en savoir plus sur l'habitat participatif, est-ce qu'il y a un documentaire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne en image à voir à quoi ça ressemble ? Ça, c'est ma première question. Et puis, s'il y a des gens qui se disent, bon, attends, moi, j'étais parti dans mon projet d'achat classique, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai envie de faire comme Benjamin nous racontait, là. Est-ce qu'ils peuvent aller quelque part ? Ou s'il n'y a pas d'habitat et partage dans leur région, est-ce qu'ils ne peuvent pas lancer un modèle un peu similaire, développer le mouvement que tu as lancé ? Il y a ces deux questions-là que je te pose. Ouais. Alors, en effet, il y a plusieurs réseaux aujourd'hui en France. Je vais en citer trois. Il y a le réseau Habitat Participatif France, déjà, qui recense tous les projets d'habitat participatif qui sont en phase études, en phase travaux, en phase habité. Donc, tu parlais des mille projets recensés. Donc, moi, je vous invite à aller... J'invite tous ceux qui sont intéressés à regarder ce site et à s'instruire. Il y a aussi beaucoup de ressources sur ce site. D'ailleurs, en juillet, là, ceux qui sont intéressés, il y a les rencontres nationales de l'habitat participatif à Rennes du 4 au 7 juillet. Donc, venez-y, ça va être... C'est beaucoup d'ateliers, de visites, d'échanges. Ensuite, il y a pour l'habitat coopératif, il y a la fédération aussi des coopératives d'habitants qui recense les différentes coopératives, qui donne aussi des outils, des ressources pour développer sa propre coopérative. Et enfin, il y a aussi un réseau d'accompagnateurs, donc de professionnels, qui est le réseau RAP, R-A-H-P, qui permet de prendre contact avec des accompagnateurs, de prendre des conseils déjà dans un premier temps, et puis de voir après si on veut être accompagné ou pas, mais déjà d'avoir des conseils sur son territoire, sur comment s'y prendre, comment démarrer. Est-ce qu'il faut que j'aille d'abord chercher un terrain ? Est-ce qu'il faut que je consolide mon groupe d'habitants ? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des financeurs ? Voilà, et ils vont vous donner des outils, un guide, pour pouvoir avancer pas à pas dans votre projet, avec toujours cette idée de prendre le temps et de construire un collectif. Parce que l'habitat participatif, c'est un but de vivre ensemble, mais le chemin est aussi intéressant que le but. C'est-à-dire que dans le chemin, c'est très riche aussi d'échanges, de partage, de convivialité. Donc, prenez le temps. La vie, quoi. Merci, Benjamin. Merci, Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous.